Bible déclare, ils ont vaincu l'ennemi de nos âmes à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Quand l'ennemi vient me séduire, quand il vient troubler mon âme, quand survient la tentation, ce n'est pas le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand les soucis veulent m'envahir, et quand la tristesse m'environne, quand je me sens en proie au doute, ce n'est pas le sang précieux, le sang de l'agneau. Je suis couvert par le sang, l'ennemi vient m'attaquer, quand il vient me décourager, et quand la vie veut m'angoisser, laissez-les par le sang précieux, le sang de l'agneau. Quand la détresse règne autour de moi, quand le malheur s'approche de moi, quand vient le méchant voleur qui peut voler.